Chapitre 34e. Retour à New York. Conclusion. L'excellent hôtel d'Adelphi à Albany nous revit le 14 juin, et nous résolûmes d'y passer la journée du lendemain, tant pour voir la ville que pour réparer nos forces. Car nous commencions à sentir que nous les avions mises à forte épreuve par un voyage très fatigant, quand il faisait une chaleur accablante. Il aurait été difficile de trouver un meilleur endroit pour se reposer. Les chambres étaient grandes et bien aérées, et l'on nous fournit de la glace avec profusion. Mais malgré les avantages nombreux de cet excellent hôtel, je fus surprise d'y trouver un arrangement qui n'est nullement anglais. Cet arrangement me fut communiqué par deux dames avec qui nous fîmes une connaissance momentanée, et il consistait en ce qu'elles y faisaient leur demeure permanente. Ces deux dames étaient une mère et sa fille. Cette dernière était une jeune femme mariée ayant deux petits-enfants. Où était leur mari? Était-il mort ou vivant? C'est ce que j'ignore. Mais elles me dirent qu'elles logeaient dans cet hôtel depuis plus d'un an. Elles déjeunaient, dînaient et soupaient à table d'hôte, avec 20 ou 100 personnes, selon que le hasard en décidait. Elles se mettaient fort élégamment, jouaient du piano dans la salle destinée au public, et elles m'assurèrent qu'elles se trouvaient très bien et très commodément. Quelle vie! Quelques parties de la ville sont très belles, l'hôtel de ville, la chambre des représentants et quelques autres édifices publics sont situés sur une hauteur qui domine le Hudson et sont entourés de grands enclos couverts d'arbres et de verdure. Un grand nombre de boutiques sont fort grandes et les marchandises y sont arrangées avec ostentation. J'entrai dans une d'elles pour y acheter de l'eau de Cologne et un trait de caractère national m'y amusa beaucoup. Trouvant que l'eau de Cologne qu'on m'offrait était détestable et à très bon marché, je demandai s'il n'y en avait pas de meilleur à plus haut prix. « Vous êtes étrangère à ce que je compte, » me répondit-on. « Les Yankees veulent du bon marché, et voilà tout. Ils ne tiennent pas à la qualité comme les Anglais. » Rien ne pouvait être plus beau que le voyage que nous fîmes le lendemain en descendant le Hudson. En songeant à quelques-uns de mes amis d'Angleterre, grands amateurs du pittoresque, je ne pus m'empêcher de m'écrier « Que je vous plains, que je vous plains, vous ne le verrez pas. » La vue d'un panorama mouvant, passant sous leurs yeux pendant une heure, avec toute la splendeur théâtrale de Drury Lane ou de Covent Garden, ne pourrait même leur en donner une idée. Ils ne pourraient voir qu'un côté à la fois. Le changement, le contraste, la variété continuelle des beautés, tandis que vos regards passent d'une rive à l'autre. Le grand miroir liquide qui réfléchit cette scène, et par-dessus tout, l'atmosphère pure et brillante à travers laquelle vous la contemplez, tout cela ne peut se voir qu'en traversant l'Atlantique. Quand nous approchâmes de New York, la chaleur brûlante de la journée se calma, et la fraîcheur des ombres allongées du soir tomba sur les belles villas devant lesquelles nous passâmes. Je ne puis réellement rien me figurer de plus attrayant que les environs de cette ville. Les rives magnifiques et escarpées du Jersey d'une part, de l'autre, le luxe et la douceur des prairies ombragées, avec la vaste rivière argentée qui coule entre les deux rives, forment un tableau qui peut excuser à un voyageur s'il dit et s'il répète que le Hudson ne peut être surpassé en beauté par aucun fleuve hors du paradis. Il faisait presque nuit lorsque nous entrâmes dans la ville, et ce fut avec beaucoup de satisfaction que nous trouvâmes que l'appartement commode que nous avions occupé dans Hudson Street était vacant, et que notre jolie et bonne hôtesse irlandaise était disposée à nous y recevoir. Nous y passâmes encore une quinzaine de jours, et nous jouîmes de nouveau de l'hospitalité gracieuse des habitants de New York. Mais ils l'exercèrent alors à l'ombre de leur belle maison de campagne. Dans le fait, si toute l'Amérique ressemblait à cette belle ville, et que toute sa population, non, seulement une petite partie, fût semblable aux amis que nous y avons laissés, je dirais que ce pays est le plus beau du monde. Mais le temps était arrivé de lui faire nos adieux, et nous avions à nous occuper de la grande affaire de notre retour en Angleterre. Il faut savoir ce que c'est que de traverser l'océan, avant qu'on puisse comprendre l'immense importance de tous les petits détails des préparatifs à faire. Le premier coup d'œil jeté sur les traits du capitaine, pour s'assurer s'il est brusque ou aimable, un autre, à peine moins important, sur ceux du steward, ou intendant, qui est en général un nègre, mais dont la physionomie n'en est pas moins expressive, le regard rapide, mais exact, pour mesurer les petites salles de réunion, un autre pour examiner le bon ou le mauvais état de l'escalier par lequel vous avez à monter et à descendre pour aller de la cabine sur le pont et du pont dans la cabine. Tout cela ne peut être compris que par ceux qui en ont fait l'expérience. Enfin, cependant, cette affaire intéressante fut arrangée, et très heureusement. Les apparences promettaient, et l'exécution fit plus que tenir ses promesses. Nous nous hâtâmes d'emballer notre friperie, comme le capitaine Mirven est assez peu galant pour appeler les paraphernalias des dames, et entre autres choses mes 600 pages de griffonnage. C'en est déjà bien assez, et pourtant il faut que j'y ajoute encore quelques lignes. Je soupçonne que ce que j'écris rendra évident que je n'aime pas l'Amérique. Cependant, comme j'y ai trouvé des individus qui m'ont inspiré plus d'estime et d'affection que des connaissances ordinaires, et comme je déclare que ce pays plaît aux yeux et est enrichi de tous les dons prodigués avec abondance par la nature, je suis porté à me demander pourquoi je ne l'aime pas. Je voudrais savoir moi-même et faire savoir aux autres pourquoi sa beauté et sa fertilité ne suffisent pas pour faire disparaître, ou du moins pour diminuer considérablement, le dégoût que m'a inspiré l'ensemble de mes souvenirs. Je me souviens d'avoir entendu dire, il y a bien des années, dans une conversation où l'on discutait les avantages et les désavantages d'une résidence particulière, que c'était le « qui » et non le « où » qui faisait la différence entre un séjour agréable ou désagréable. La vérité de cette observation me frappa fortement quand je l'entendis faire. Et je me la suis rappelée depuis en trouvant à chaque pas des preuves de sa justesse. En l'appliquant à l'Amérique, je ne parle ni de mes amis, ni des amis de mes amis. Le petit nombre de patriciens qui s'y trouvent forment une race séparée. Ils vivent les uns avec les autres et les uns pour les autres. Ils se mêlent infiniment peu des grandes affaires d'État, qu'ils semblent abandonner nonchalamment à leurs tailleurs et à leurs chaudronniers. Et l'on ne doit pas plus les prendre pour un échantillon du peuple américain qu'on ne doit juger par Lord Byron de la pairie d'Angleterre. Ce n'est point d'eux que je parle, c'est de la population en général, telle qu'on la voit dans les villes et dans les campagnes, parmi les riches et les pauvres, dans les États où l'esclavage a été aboli, comme dans ceux où il existe encore. Je n'aime pas cette population, je n'aime pas ses principes, je n'aime pas ses manières, je n'aime pas ses opinions. Comme femme et comme étrangère, il ne me conviendrait pas de dire que je n'aime pas le gouvernement des États-Unis, et par conséquent je ne le dirai pas. Que ce gouvernement plaise aux Américains, c'est ce dont il est impossible de douter, et cela est beaucoup plus important que de plaire à toutes les vieilles voyageuses du monde. Je suis arrivé en Amérique par la Nouvelle-Orléans, j'ai passé plus de 2 ans à l'ouest des Allegheny, et j'ai passé une autre année dans les villes atlantiques et leurs environs. Pendant tout ce temps, j'ai conversé avec des citoyens de toutes les classes et de tous les rangs, et je n'en ai jamais entendu un seul prononcer un mot contre le gouvernement. Il n'est donc pas étonnant que lorsque le peuple de ce pays entend des étrangers révoquer en doute la sagesse de ses institutions, il l'attribue soit à une incapacité de jugement, soit à un sentiment pervers d'envie et de malveillance. Comment une personne de bon sens peut-elle douter de l'excellence d'un gouvernement que nous avons essayé depuis un demi-siècle et que nous aimons davantage à mesure que nous le connaissons mieux? Telle est la question que fait naturellement tout Américain lorsqu'on exprime un doute sur l'excellence du gouvernement de ce pays. Je suis tenté de répondre que si toute personne de bon sens qui a visité ce pays et qui a connu les habitants doit admettre que ce gouvernement leur convient à eux, tels qu'ils sont à présent, il n'est pas moins certain qu'il ne peut convenir sous aucun rapport à aucun autre peuple. Il est de notoriété historique que la première souche de la population blanche qui habite aujourd'hui les États-Unis provient de gens qui s'étaient bannis ou qui avaient été bannis de la mère patrie. Le pays qu'ils trouvèrent était favorable, la colonie s'accrut et fleurit. Les années s'écoulèrent et les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants des premiers colons peuplèrent cette terre et trouvèrent que le lait et le miel y coulaient. Qu'ils aient désiré garder pour eux ce lait et ce miel, c'est ce qui n'est pas très surprenant. Que faisait pour eux la mère patrie? Elle leur envoyait d'élégants et vaillants officiers pour garder leurs frontières, mais ils pensaient qu'ils les garderaient bien eux-mêmes. Ensuite, elle imposait une taxe sur leur thé. Cette mesure leur était désagréable. Et quel dédommagement en avait-il? La colonie éloignée n'avait pas une grande part à la gloire et à la renommée de sa mère. ce n'était pas dans son sein que l'Angleterre choisissait ses grands et puissants personnages. Les rayons brillants, qui émanaient de ce brillant soleil, le trône britannique, ne les atteignaient que faiblement. Il ne connaissait ni ses rois, ni ses héros, et il s'en inquiétait peu. Le commerçant le plus industrieux était parmi eux l'homme le plus noble. Les écoles des sciences n'étaient à leurs yeux que des foyers de superstition. Une splendide aristocratie n'était pour eux qu'une sangsue qui épuisait leur sang d'or. La richesse, la science, la gloire de la Grande-Bretagne n'étaient rien pour eux. Le droit de faire ce qu'ils voudraient était tout à leurs yeux. Peut-on les blâmer d'avoir voulu l'acquérir? Doit-on regretter qu'ils y aient réussi? Et après avoir remporté la victoire, que leur restait-il à faire? Les anciens du peuple s'assemblèrent et dirent « Faisons un gouvernement qui nous convienne à tous, qu'il soit rude, grossier, bruyant, qu'il n'affecte ni dignité, ni gloire, ni splendeur, qu'il n'intervienne avec la volonté de personne, n'ayons ni dîmes, ni taxes, ni lois sur les chasses et sur les pauvres, que chacun contribue à faire les lois, et que personne ne soit inquiété relativement à leur observation, que nos magistrats ne portent point la pourpre, ni nos juges l'hermine. Si quelqu'un devient riche, ayons soin que son petit-fils devienne pauvre, et par ce moyen nous resterons tous égaux. Que chacun songe à soi, et si l'Angleterre s'avise encore de vouloir nous attaquer, eh bien, nous combattrons tous ensemble. » Pourrait-on rien imaginer de mieux qu'un tel gouvernement, pour un peuple qui se trouvait dans de telles circonstances? Est-il étrange qu'il en soit content? Mais il est encore moins étrange que ceux qui ont vécu dans ce repos du bon ordre, et qui se sentent assurés que les affaires de leur pays peuvent aller parfaitement sans qu'ils soient obligés de crier, de brailler, de se gratter la tête et de s'agiter en tous sens pour les faire marcher, remercient le ciel de n'être pas nés républicains. Jusque-là, tout est bien. Nous ne devons certainement pas chercher querelle aux Américains parce qu'ils préfèrent une constitution qui leur convient si admirablement à une autre qui ne leur conviendrait sous aucun rapport. Mais ils ne devraient pas trouver mauvais que nous n'ayons aucune envie de changer les institutions qui nous ont fait devenir ce que nous sommes. Cependant, quand un Européen va en Amérique, on agit contre lui avec une tyrannie de l'espèce la plus extraordinaire. Et autant que mes lectures et mon expérience me permettent d'en juger, c'en est une que nul autre pays n'a jamais exercée à l'égard des étrangers. Le Français vient en Angleterre. Il est abîmé d'ennui à nos dîners d'apparat. Il lève les épaules en voyant notre corps de balai. Il rit à gorge déployée de notre passion pour conduire une voiture et de notre partialité pour le roast beef et le plum pudding. L'Anglais lui rend sa visite et la première chose qu'il fait en arrivant est de courir au théâtre des variétés pour y voir les Anglaises pour rire. Et si parmi tous les éclats de rire vous en entendez un dont la gaieté soit plus cordiale que les autres, cherchez celui qui le fait entendre, et vous trouverez que c'est l'Anglais. L'Italien arrive dans notre île, et il gémit de notre climat. Il proteste que l'air qui détruit une statue ne peut être salubre pour l'homme. Il soupire après des orangers et du macaroni, et il sourit des prétentions d'une nation à la poésie, quand on ne déclame pas des poèmes épiques dans ses rues. Cependant, nous accueillons très amicalement l'habitant susceptible du Sud. Nous écoutons ses plaintes avec intérêt, et dans l'espoir de devenir plus agréable, nous cultivons nos petits orangers, et nous apprenons à nos enfants à bégayer le tasse. Mais si nous savons supporter la censure, nous ne sommes nullement supérieurs en cela au reste de l'Europe, et le désir d'en profiter n'est point une qualité particulière aux Anglais. Nous rions aux dépens de nos voisins, et nous leur trouvons des défauts aussi librement qu'ils le font à notre égard. Ils en rient avec nous, et ils adoptent nos modes et nos coutumes. Ces plaisanteries mutuelles n'engendrent pas l'ombre d'une animosité. Et tant que les gouvernements sont en paix ensemble, les individus de toutes les nations de l'Europe se font un plaisir et un honneur de se voir fréquemment, de comparer et discuter les différences qui caractérisent chacune d'elles, et regardent comme une marque de bon ton et de bon goût de s'imiter les unes les autres dans tout ce qui contribue à embellir extérieurement l'existence. On en voit à présent le résultat, de la manière la plus agréable, dans toutes les capitales de l'Europe. Une longue paix a donné à chacune d'elles le temps d'emprunter aux autres ce qu'elles avaient de mieux dans leurs coutumes et dans leurs manières, et un progrès rapide dans tous les genres d'amélioration et dans l'instruction générale en a été la suite. Ceux qui ont été accoutumés à cet état de choses sont frappés, en arrivant dans le Nouveau Monde, d'un contraste qui est on ne peut pas plus pénible, et l'on ne peut douter que ce ne soit une grande cause du sentiment général d'ennui et de fatigue d'esprit qu'on éprouve quand on se rappelle les heures qu'on a passées dans la société en Amérique. Un seul mot indiquant un doute que quelque chose, que tout, ne soit pas en ce pays ce qu'il y a de mieux au monde, produit un effet qu'il faut voir et sentir pour le concevoir. Si les citoyens des États-Unis étaient véritablement les patriotes dévoués qu'ils se disent, ils ne s'encroûteraient certainement pas ainsi dans la dureté, la sécheresse et l'opiniâtreté de la persuasion qu'ils sont le premier et le meilleur peuple de la race humaine, qu'il n'y a rien à apprendre que ce qu'ils sont en état d'enseigner et que rien n'est digne d'envie que ce qu'ils possèdent. L'art de l'homme pourrait à peine découvrir un antidote plus efficace contre toute amélioration que cette persuasion. Et cependant, je n'ai jamais entendu un discours prononcé en public, je n'ai jamais lu un ouvrage destiné à être lu par le peuple, sans y trouver la preuve qu'on cherchait à l'inculquer dans l'esprit de tous les citoyens. Donner à entendre aux Américains que le cours silencieux des événements peut changer la forme de leur gouvernement chéri, ce n'est pas le moyen de leur plaire, mais dans le fait, ils n'ont pas besoin de se tourmenter d'une telle crainte. Aussi longtemps qu'ils pourront, d'un consentement général, arrêter l'essor des grands talents que la nature appelle à avoir l'ascendant, aussi longtemps qu'ils pourront empêcher le respect des hommes et les honneurs de la terre de s'accorder aux mérites supérieurs, aux manières gracieuses et aux rangs élevés, ils peuvent être sûrs de continuer à être ce qu'ils sont. On m'a pourtant dit qu'il se trouve parmi eux des hommes qui verraient avec plaisir un changement, des hommes qui, avec la sagesse de philosophes et la candeur impartiale de gens bien nés, ne peuvent reconnaître une égalité qu'ils sentent ne pas exister et dont ils jugent l'existence impossible. Je crois aisément qu'il se trouve de tels hommes, quoique personne ne m'ait jamais communiqué une pareille opinion, et je serais sincèrement charmé de voir la puissance passer en de pareilles mains. Si jamais cela arrive, si l'esprit d'amélioration se glisse parmi eux, s'ils apprennent une fois à apprécier les grâces, les honneurs, la chevalerie de la vie, alors nous dirons adieu à l'égalité américaine et nous recevrons dans la confrérie des nations européennes un des plus beaux pays de la terre. Ainsi s'achève Mœurs domestiques des Américains de Francis Trollope.